dauphin. Les dauphins savent nager. Bien que rien nous gâte ensemble, nous les vaincrons. Le vaincrons à jamais. On peut être héros pour juste une jeunesse.